ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, mais c'est con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. C'est marrant parce qu'à l'époque où il disait ça, Nicolas, on pensait pas que les cons c'était les mecs du Paris Saint-Germain, quoi. Ouais. Et entre temps, il s'est occupé des mecs du PSG, quoi. Je voudrais commencer en défendant Monfredo. T'es là? Oui. Monfredo, parce que tu es souvent attaqué sur le championnat espagnol et moi j'ai fait des calculs et le championnat espagnol est le plus homogène de tous les championnats européens et ça je tiens à le dire. Car je tiens à rappeler que en Italie, entre le premier et le dernier, il y a 35 points d'écart. En Angleterre, entre le premier et le dernier, il y a 43 points d'écart. En Allemagne. De toute façon, il n'y a plus la RDA maintenant, il n'y a plus que les clubs d'Allemagne de l'Ouest. En RFA, il y a 34 points d'écart. Alors que dans le championnat espagnol, en première division, il n'y a que 10 points d'écart entre le premier et le deuxième. Alors ? Oui, parce que je rappelle qu'à partir de Valence, ça devient la D2. Hein. Ça n'intéresse plus personne. Donc la première division, je rappelle, en Espagne, c'est Real premier et Barcelone dernier. Voilà, donc il n'y a que 10 points d'écart, donc c'est quand même vachement homogène, quoi. C'est pas beaucoup. Mais il y a des bons petits clubs en D2. Ça. Mais tu sais que je regarde souvent les matchs de D2. Là, j'ai vu un Valence la dernière fois et Atlético. Il y a des très très belles équipes en D2 espagnole. On n'a pas ça en France et je trouve ça formidable. Et ouais, il y a 58 personnes dans le stade aussi. Ouais. Ah bah ça, c'est comme la D2 anglaise. Et va faire Crystal Palace, Millwall et après tu t'en raconteras. Ça, c'est juste pour me mettre Fifi dans la poche. Merci. Alors, je t'en prie. Messi qui a été critiqué parce que c'est vrai, il a raison, Paul. Messi, c'était un fourbe. Alors qu'en France, il y a un gardien qui s'appelle Courtois. Et la moindre des choses, ce serait d'être Courtois avec Courtois. L'autre, il tire alors que l'autre, il est pas prêt. Tu sais que moi, j'ai vu pire, hein. J'ai vu l'an dernier fois, l'autre, il tire le péno. Le gardien, il part à gauche, il tire à droite. Alors, c'est Courtois, ça. Parce que c'est sympa, ça. Mais ça ne se fait pas. Moi, je trouve qu'il y a trop de. Des fois, ils font des fins de corps. Une fois, le type, il fait passement la jambe. Il fait feinte qu'il tire à droite et tire à gauche. Moi, je trouve que ça n'est pas Courtois. Et le monde du football n'en sort pas grandi, monsieur. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. On dirait François Damiens. Ouais, on dirait tous les Belges. Oh non, Damiens, tu fais le temps. Intonation, Damiens. Un petit je peux te faire aussi un petit peu. Paul Vord. Paul Vord, hein, un peu. Hein, faire, un petit peu, c'est pas mal. Tu fais bien ça. Ah, t'as vu, hein, t'aimes ça, hein. Hein, oui, Paul Vord, c'est mieux. Tu fais bien agent. Oui, je fais bien agent parce que bourré vaut mieux pas. Paul Vord qui est mélangé avec Ludivine Sagnédon. Philippe Mexès, merci d'être venu. Et donc, on a suivi. Je sais qu'il a pas aimé, je l'ai fait une fois, il a gueulé, il a appelé Louis. Ah, c'est très bon. Je te jure. Pour te dire l'humour, hein, du mec. Pourtant, je l'aime bien en plus. Il est plus fort pour donner des coups de poing pour rire. Non, bah, alors là, je le défendrai jusqu'à la mort. Enfin, jusqu'à la sienne. Hein. Et Reims-Sedan, je suis content qu'on ait suivi Reims-Sedan, c'est quand même le vrai derby, quoi. Le derby Champagne-Ardenne, ce qu'on appelle pas ni le Classico, ni l'Olympico, mais le Mettons Tricot. Parce que quand même, on se les perd. Hein. Je veux dire qu'en hiver. En hiver en Champagne-Ardenne, il y en a d'autres Mettons Tricot en Ligue 1. On a Saint-Étienne-Sochaux comme Mettons Tricot qui est pas mal. Si je peux te dire que moi j'en ai fait une fois. Mais va Montbéliard, hein. Là ça c'est les supporters, parce que c'est facile les supporters des Montpellier de Marseille. Il fait plutôt beau même quand il y a un peu de Mistral. Enfin bref quoi. Jean-Michel Aulas, alors là beaucoup de polémiques, hein, sur l'arbitrage. Alors Jean-Michel Aulas qui trouve que Fédi Fautrel s'est trompé sur le pénalty de Néné, alors que c'est pas vrai, pour lui il n'y avait pas faute, alors que pour Freddy il y avait une faute réelle. Et ça c'était la blague du jour. Une faute réelle, Freddy, faute réelle. Ah ouais. On laisse tomber. Alors Didier Deschamps, c'était, je l'ai fait pour Gautreau. Il a même pas. Si, c'était je la note. Spécial. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est jaloux que c'est pas lui qui l'ait fait. Ça, j'ai pas fait une de la soirée, j'étais hyper déçu. Tu sais, on lui a dit il faut que tu remplaces Daniel. C'est pas obligé de pas être drôle. T'as le droit d'être drôle. On lui a dit remplace Daniel. Alors il se concentrait, il arrivait pas à couper la parole aux gens parce qu'à chaque fois, par réflexe, il laissait les gens terminer leur phrase. Ce qui n'a aucun sens. Si tu veux pas venir remplacer Daniel, tu viens pas. T'as pas insulté un auditeur. T'as pas coupé la personne à une personne, t'as même pas dit que t'avais la science infuse. Je me demande à quoi tu sers, mon pauvre ami. Retombe sur le service public. Ah non, mais franchement, déjà, alors l'after, il y avait alors un mec du service public, un saltimbanque, un belge. Franchement, c'est le festival d'Auriac, là, c'est n'importe quoi. Mission de gauchiste, là. Heureusement que Gilbert, t'es à droite, hein, sinon. Et encore, je suis pas sûr. Enfin, c'est de Strasbourg, quand même, c'est la moindre des choses. Pour Didier Deschamps, le carton rouge aurait été mérité sur Brandao. Alors là, excusez-moi, je dis c'est faux. Parce que pour parce que normalement carton rouge c'est si tu as anéanti une action de but. Mais là il a anéanti pas une action de but, c'est Brandao qui va tirer. Il a pas action de but. Au mieux à la limite il a anéanti une frappe qui peut à la limite tuer un stadier, un supporter ou un photographe, mais à la limite au contraire. Je dirais que le mec qui ne tacle pas Brandao, il peut être condamné à non assistance à personne en danger. Parce qu'on sait que Brandao une balle perdue puis vite très vite c'est les chroniques dans Détective. Hein. Mais bref, bon, bah, visiblement... Une Laguna de retrouver. Ouais, ben voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire. En plus, Deschamps critique sous prétexte qu'en plus, après, ça aurait pu être... Lui, il voudrait la double peine. Alors, on a demandé à Brandao, qui lui aussi est pour la double peine, mais je crois qu'il parlait pas de la même. Il parlait d'une autre double peine, chère à Clara Morgan. Et à Brigitte, un peu moins. Je laisse la tranquille, la pauvre. Je suis corporate. Ah oui, c'est vrai, Brigitte, on t'aime, on t'embrasse. Les problèmes de pétage de plomb des Lyonnais. Alors, moi, je sais pas ce qui se passe, les Lyonnais, en ce moment. Je voudrais vous rappeler le pétage de plomb de Hugo Lloris, rappelez-vous. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous écouter Rémi Garde, surtout la fin. Vous n'avez pas de réponse à me donner. Alors soyez honnête au moins. Calculez-les les changements, il y en a combien? Ça fait 2 minutes 30 de changement. Ça fait pas 4 minutes. Soyez honnête. Tu sens que ça, il en veut plus. Ça, c'est pas vrai. Il en veut plus. Les mecs, quand on ne sait pas s'énerver... On ne s'énerve pas. Il y a une culture de l'énervement. Le Lyonnais ne sait pas s'énerver. Alors qu'un peu plus dans le Nord, il y a des gens formidables qui savent très bien le faire. Écoutez, regardez, écoutez ce. Ça, c'est un mec qui savait s'énerver, Adolf Hitler. Lui, au moins, quand il s'énervait, je peux te dire qu'à l'époque, t'as pas un arbitre qui aurait sifflé pénalty contre Hitler. Et pourtant, il y a eu 2-3 fautes dans la surface. Hein. Non, mais non, voilà. Donc, à un moment donné. C'était Schalke, son club. Non, mais voilà. D'ailleurs, s'il était. Alors, Schalke, ça serait pas. En Ligue des Champions, ils auraient fait autre chose. Hein. Enfin, bref. Moi, je comprends mieux pourquoi à Lyon, c'est là qu'il y a eu les plus grands braquages de banque à l'époque du gang. Hein, parce que, franchement, il y avait. Un voleur mais non, mais t'y vas pas, quoi. Voleur comme ça. Enfin, chanson bref, quoi. Mais non, pas chanson, t'es pas possible. J'ai à peine commencé. Non, mais tu te fous de ma gueule. Ça fait déjà 7 minutes. Et le temps de parole, là, tu m'as enflé, là. Oh merde, non mais je peux quand même finir sur... Allez, une petite blague en plus, allez. Non, parce qu'en fait, je voudrais dire que Deschamps, lui, il, par rapport au fait des tactiques et tout ça, lui, il a pas fait la tactique du sapin de Noël, déjà parce qu'il a peur que Rondao passe par la cheminée, et ça, c'est quand même important. Et puis... Non, je vais arrêter, je vais pas aller plus loin. Elle était bien, celle-là. Non, parce que j'ai dit... Non, Brandao, la tactique du sapin de Noël, ça fout les boules. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a la tactique du platane quand t'as une équipe de glands. Mais ça, c'est... Non, c'est du chêne. Du chêne. La tactique du chêne quand t'as une équipe de glands. Non, Brandao, d'ailleurs, le pauvre, avec tout ce qu'on lui met, je me dis qu'il pourrait pas... Il pourrait pas aller rester à l'OM. Mais je me dis qu'au pire, il pourrait aller jouer à Lorient, il pourrait faire une belle attaque avec Innocent et Mégara. Ça ferait un innocent et un coupable. Ça ferait une belle équipe. Ou alors au Queen's Park Rangers avec Samba Diakité, parce que Diakité et un condamné, ça peut faire aussi une belle association. Je voudrais finir pas par une chanson. Surtout qu'il était expulsé ce week-end. Ouais, mais c'est Samba, donc ça va, c'est Brésil. Qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, par rapport à Antonetti, alors on a dit les arbitres, tout ça. Je tiens à rappeler quand même que Antonetti, le problème, c'est pas l'arbitre dans son équipe, le problème. C'est la C'est APAM, ça fait des années qu'on le dit. Nous, ça fait 2 ans qu'on balance que APAM, tu le mets latéral, c'est lui qui latte, c'est toi qui râle. Les deux pieds décollés du sol, ramasse ta jambe et lui Saint-Ol. Et l'autre, il fait genre, il est surpris. Avec Clément Turpin, c'est juste qu'il écoute l'after. Voilà, tout simplement. Et ben exactement. Chanson à retrouver sur le blog, hein, évidemment. Oui, alors j'ai la chanson, je la ferai pour la prochaine fois. Non, on a le temps en fait, regarde, on a organisé une petite minute là. Voilà. D'accord, très bien. Je voudrais juste remettre les Oscars du week-end de foot. Ah. Et je voudrais sortir les nominés. S'il vous plaît, musique. Sont nominés Claudio Ranieri pour Arrête de ramer, t'attaques la falaise. Ribéry et Mvila pour Les Infidèles. Je rappelle que Ribéry l'avait déjà eu pour La Belle et la Bête et Piège de Cristal. Enfin, Piège de Versicurite, c'était à l'époque. Mais... Piège de Versicurite qui a très bien marché. Laurent Fournier dans A bout de souffle. APAM pour Shaolin Soccer. Mesha Bazdarevic pour The Descent. Laurent Blanc pour Seven. Non, parce qu'il vient d'Alès, hein, dans les Seven. Ah ouais, c'est bien. Oh là là là là là là. Brandao pour Le Transporteur et Forrest Gump. Et le gagnant est. Brandao, bravo. Brandao, magnifique Brandao. Et comme il disait dans son film, la vie, c'est comme dans la boîte à chocolat. On sait jamais ce qui vous trouve, ce qui vous trouverez après. Excusez-moi. Je vais donc finir. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Non, lui, c'est comme dans la boîte à chocolat. Tu sais jamais ce qui va se passer après. Alors, excusez-moi, je craque complètement. On a plus le temps. J'ai le droit à une chanson ou pas? Elle est rapide. La chanson rapide, elle est simple, elle est sympa et elle est rythmée. Attention. Allez, c'est parti! Laissez-moi vous conter l'histoire d'un Burkinabé. Le sourire d'Eddie Murphy, les oreilles de Mickey. Un peu chien fou mais sympa, comme disent les Marseillais. Il pourrait être plus tranchant, mais il a trop de prise au vent. Cabaret, oh oh oh. Cabaret, oh oh oh. Il déboule sur la pelouse, avec lui on est.